L'océan crache du feu. L'enfer est toujours l'autre. Ici, je suis assis devant une peinture de Matisse. Aucun bruit, aucune musique dehors. Le ciel est bleu et se reflète dans la mer. L'homme est sale et salit ce qui est beau. La beauté n'est pas ringarde, elle l'est pour celui qui est. L'oiseau regarde le ciel de ses grandes ailes. L'océan crache du feu, les grands compositeurs sont morts. Le puce dit, se cache la face derrière un homme qui s'est sacrifié pour l'humanité. Ce poème n'est pas un poème, mais il s'écrit à la verticale d'un avenir qui se voit à l'horizon. Je suis ordinaire, mais j'expulse de moi-même le fruit de mes pensées. Chaque homme est une musique accordée à l'univers. Il n'y a plus rien à faire qu'à laisser jouer la musique pour toujours. L'instant présent est merveilleux quand Dieu est en toute chose. L'être suprême est l'esprit de cette réalité qui crée ce sentiment. L'ego s'est fait le mal. Je contemple l'incidence du silence. Pas de science sans conscience. Ça fait rime en passant. Le moi se confond dans l'espace. Se pose un sourire humain sur les couleurs.